ta antenne de ma vie. Tu as disparu sous le ciel trop grand d'Italie. Que vienne l'ombre enfin, que j'oublie. Je t'ai vu près du Colisée, heureuse, tu lui souriais dans la rue, dans la rue. Elle est bien finie, la tarentelle de ma vie. Beaucoup trop d'amour s'est pris sous le ciel d'Italie. Je reprends le chemin qui me mènera loin d'Italie, d'Italie. La tour de Pise peut bien s'écrouler, tout Venise s'engloutir. Florence entière se noyer dans la boue et Rome s'abolir. Elle est bien finie, la tarentelle de ma vie. Je ne viendrai plus dans ce pays où tu n'es plus. Je reprends le chemin qui me mène.